Ma jolie veut qu'on s'en aille se René. Batman pour toi, j'peux pas courir. J'ai compris dans ton regard, you want me. J'parle pas, mais si j'viens, ça veut tout dire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go. Tu veux la belle vie? Bling bling, gamo, c'est les Birkin. Pour ça, faut que tu sois à moi, ma baby. J'm'occupe de toi, j'peux être ton daddy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go. Ma chérie, ce que je demande, moi, c'est la paix. Hey. Sinon, c'est non, non, non, non, non. Si t'es venu ici pour me prendre la tête, hey. Charlie, c'est non, non, non, non, non. Ma chérie, ce que je demande, moi, c'est la paix. Ouais. Sinon, c'est non, non, non, non, non. Si t'es venu ici pour me prendre la tête, quoi? Charlie, c'est non, non, non, non, non. Baby, j'avance avec toi, ou ça? Ou ça? Est-ce que tu me suivras longtemps? Dis-moi. Dis-moi dans les yeux si tu mens. Réponds. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'avance avec toi, où ça? Est-ce que tu me suivras longtemps? Dis-moi. Dis-moi dans les yeux si tu mens. Réponds. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, baby, yeah. On y va. On yeah. Dit quoi? Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, baby, on yeah. Y va. Yeah, yeah, yeah, yeah. Shorty, t'es ma mélodie. Ben oui. Tes ennemis sont mes ennemis. Yeah. Je sais, je suis ta maladie. Oui. Tu veux tout de moi. Show me tonight dans mes bras. Aye. Et réchauffe-toi. Oui. Je suis là pour toi. Ouais. It's alright. Hey. Parle-moi. Aye. Si ça va pas. Oui. Et n'oublie pas. Ouais. It's alright. Hey. Hey. Ma shorty, ce que je demande, moi, c'est la paix. Hey. Sinon, c'est non, non, non, non, non. Si t'es venu ici pour me prendre la tête. Hey. Shorty, c'est non, non, non, non, non. Nah. Ma chérie, ce que je demande, moi, c'est la paix. Ouais. Sinon, c'est non, non, non, non, non. Nah. Si t'es venu ici pour me prendre la tête, Charlie, c'est non, non, non, non, non. Baby, j'avance avec toi, où ça? Est-ce que tu me suivras longtemps? Dis-moi. Dis-moi dans les yeux si tu mens. Réponds. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'avance avec toi, où ça? Est-ce que tu me suivras longtemps? Dis-moi. Dis-moi dans les yeux si tu mens. Réponds. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, on y va. On yeah. Dit quoi? Yeah, yeah, yeah, yeah.